Bonjour, je suis Éric Lefebvre-Ardan et aujourd'hui je prends une tasse de thé avec Mathieu Bollard. Mathieu est un développeur Java et Scala en startup. Il est joignable sur about.me/Mathieu Bollard. Dans cet épisode, Mathieu nous explique comment il a accéléré du code de la NASA grâce au cloud. Bonjour Mathieu. Bonjour. Mathieu, peux-tu nous expliquer ce qu'est le ISS Landron Challenge ? Alors en fait, c'est une initiative de la NASA qui visait à obtenir de la communauté une solution créative à un problème qui peut paraître simple, c'est l'optimisation des panneaux solaires de la station spatiale. Donc en gros, il faut donner des indications pour certaines orbites de la station spatiale, à savoir dans quel sens doivent être tournés les panneaux solaires pour éviter qu'ils se fassent de l'ombre à eux-mêmes et qu'ils puissent utiliser le maximum de puissance pour leurs expérimentations. D'accord, c'est un exercice de programmation en fait. Oui, c'est ça. Donc, il s'agissait à partir d'un certain nombre de paramètres connus et d'une fonction de calcul de la puissance de donner des positions. Donc en fait, un algorithme qui est capable de calculer les positions des panneaux solaires à chaque instant. C'était codé en quoi, leur solution existante ? Alors la solution existante dans la station, ils n'ont pas donné d'indication. En revanche, le challenge tel qu'il était conçu pouvait permettre n'importe quel langage. Ils acceptaient des solutions en .NET, en C et en Java. C'est-à-dire qu'il y avait les specs complètes du calcul ? Donc tu l'as réimplémenté d'abord ? En fait, ils fournissaient une fonction d'évaluation qui fonctionnait par des streams en très sortie, donc juste système out, système in, et il donnait des paramètres de position sur l'entrée et il fallait écrire les positions des moteurs sur la sortie. D'accord. Qui permettait d'avoir n'importe quel langage qui peut se connecter aux entrées-sorties d'un process. Ok, et leur problème c'était quoi? C'était trop lent, c'est ça? Leur problème c'est qu'en fait ils cherchaient une meilleure solution que celle qu'ils avaient déjà développée. En fait, c'est un simple problème d'optimisation sur lequel il y a une grosse explosion algorithmique. Enfin, il y a des dizaines de milliards de possibilités pour chaque orbite. Et ils voulaient trouver la meilleure solution, voir si quelqu'un était capable de fournir une meilleure solution que la leur. Et le gros défi sur ce challenge, c'est que la fonction d'évaluation qu'ils fournissaient met à peu près une seconde à calculer la puissance disponible pour une position donnée. Donc ça limite fortement les possibilités d'exploration brutale. La puissance obtenue par les panneaux solaires. D'accord. Et donc ils ont lancé un concours. Et il y a eu combien de personnes à peu près qui ont répondu ? Alors il y a eu 4500 inscrits, sur lesquels à peu près 500 ont fourni une solution. Toi tu es arrivé avec le... Moi je suis arrivé 99e, donc dernière place pour avoir un t-shirt. D'accord. Ok, et est-ce que tu peux nous résumer à peu près la solution à laquelle tu as pensé ? Oui, alors la solution que j'ai employée, en fait, j'ai fait un script bash qui permettait d'explorer avec des simples boucles en bash différentes solutions en appelant à chaque fois leur évaluateur, donc en ligne de commande, puisque c'était branché entrée-sortie. Rapidement j'ai voulu scaler la solution et donc j'ai décidé de la répartir sur plusieurs machines. Et là, la façon la plus simple de faire, c'était de suivre la méthode proposée par David Ostijug, à savoir se brancher sur le cloud. Donc j'ai utilisé Simple Framework pour brancher leur calculateur sur le web et pouvoir distribuer sur autant de machines qui m'intéressaient. D'accord, donc en fait, Simple Framework, ça t'a permis de faire quoi exactement ? C'est juste un connecteur HTTP, donc ça permet de répondre très facilement à une requête HTTP, d'écrire une réponse. Le plus simple, c'était de faire du texte brut. Donc pour une URL donnée, je récupère les paramètres dans l'URL et j'écris la réponse dans le flux HTTP. Ok, donc tu as un bash qui lit les données d'entrée et qui fait des appels HTTP à ton service. Voilà. Qui lui-même est une façade sur la fonction d'évaluation qu'il fournissait. C'est ça. D'accord. D'accord. Donc tu as commencé par le bash, là tu l'as expliqué. Et du coup, cette fonction-là qu'il fournissait, c'était une fonction pure, il n'y avait pas d'effet de bord. Non, voilà. Donc c'est ce qui permet justement de scaler assez facilement, c'est que c'est une fonction, oui, comme tu dis, une fonction pure. À savoir pour un set de paramètres d'entrée, la réponse est toujours la même, donc ça a des effets assez intéressants au niveau des caches et ce genre de choses. D'accord. Et tu as réussi donc à paralléliser comme tu voulais tout ça? Oui, alors en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'en bash, c'est assez facile de paralléliser des appels. On fait un curl, on met un et à la fin, donc ça lance le process en background. Il faut juste attendre les réponses. Pour attendre les réponses, on utilise le mot-clé wait en bash, qui va attendre tous les process fils. Donc en fait, en faisant tous les curls en parallèle qui vont chercher les différentes possibilités sur mon service web, en les enregistrant chacun dans un fichier, à la fin, on attend la fin de tous les sous-process et on obtient les résultats dans des fichiers. D'accord. Et quand tu voulais faire ça, c'était avec le mot-clé, avec l'annotation at à la fin de ton curl, ça te permettait de paralyser sur une machine. Voilà. Enfin, de paralyser les appels, en fait. De paralyser les appels. Voilà. Donc après, oui. Et après, c'est effectivement évalué par un de tes. Enfin, par d'abord une donc seule. Initialement, machine, un service web donc, qui fournissait un seul thread pour calculer. Et puis, par la suite, j'ai scalé. Les réponses que tu recevais de ton service web, tu en faisais quoi? En fait, la réponse, je l'ai stockée dans un fichier, simplement. Donc, par exemple, pour la minute 91 de l'orbite 72. J'avais un fichier 91-72 et qui contenait la puissance en fonction de tous les paramètres. D'accord. Et après le wait, tu collectais tout ça et tu... Voilà, après je collectais avec Gnuplot, j'ai collecté les résultats pour trouver le meilleur. D'accord. Et du coup, tu n'avais jamais de conflit possible entre chaque appel. C'était donc un appel fonction pure. Il n'y avait aucun moment où... tu avais un problème d'ordre entre les appels, par exemple? Non, bien sûr que non, puisqu'en fait, comme l'ensemble des paramètres décrit le résultat de la fonction, on ne peut pas se tromper, en fait. Pour un même set de paramètres, la réponse est toujours la même, donc il n'y a pas de confusion possible. D'accord. Et quand tu as voulu répartir ça sur plusieurs machines, qu'est-ce que tu as pu faire? Alors, tout ce qui suffisait de faire, en fait, déjà, pour pouvoir augmenter la puissance, tirer profit de plusieurs CPU sur une seule machine, il suffisait de lancer plusieurs process en parallèle. Et puis avec alors j'ai écrit moi-même le proxy parce que c'était un besoin très simple, mais sinon il aurait suffi d'utiliser Nginx par exemple pour utiliser autant de workers que ce qu'il y avait de process sur la machine, chacun son port. Et ensuite sur plusieurs machines, on fait la même chose, simplement au lieu d'être sur localhost, on utilise les différentes adresses IP des machines esclaves, on va dire. Ok. Tu as parlé de cache un moment, tu peux nous décrire ce qu'il faisait ton cache? Oui, alors ce qui se passe c'est que c'était un process semi-automatique on va dire, donc mon bash essayait plusieurs sets de paramètres possibles pour trouver les solutions optimales à chaque fois, et il pouvait m'arriver de marcher sur les pieds, de tourner autour d'une solution et donc de devoir recalculer plusieurs fois le même point. Donc comme la fonction est pure, il suffit d'utiliser un cache HTTP. Pour une même URL, on avait le même résultat. Donc là, pareil, j'ai utilisé un cache que j'ai écrit moi-même parce que c'était très très rapide vu la simplicité du besoin. Si on avait eu quelque chose de plus complexe, une solution comme Varnish aurait permis de stocker les résultats et donc d'accélérer. En fait, par exemple, si je demande le matin la minute 91 pour l'orbite 72 et j'obtiens un résultat, si l'après-midi j'ai une autre idée autour de cette solution et que je me retrouve à calculer les mêmes paramètres, ils sont déjà dans le cache, donc il n'y a pas besoin de refaire appel à cette fonction qui est assez longue. Et donc ça permet de gagner du temps sur les solutions déjà calculées. D'accord, cela dit, ça ne va pas représenter énormément de données quand même. Non, c'est un petit volume de données, par contre ça fait un gain de temps assez appréciable. Voilà, quand on itère autour d'une solution, on peut avoir, mettons, 20 ou 30% de réutilisation sur les mêmes paramètres, simplement parce que je ne fais pas attention à réutiliser les paramètres, et du coup ça fait gagner autant de temps en fait. Et ton cache, tu as codé côté service entièrement, tu l'as codé comment? Alors en fait j'ai réutilisé Simple Framework de la même manière, simplement au lieu d'appeler directement la fonction d'évaluation, il vérifiait dans une concurrent map si la solution était déjà présente. Si elle n'y était pas, il faisait appel aux machines esclaves et stockait le résultat dans la concurrent map. D'accord. Et la concurrent map, elle était utilisable parce que finalement, tu n'avais pas d'accès, tu n'avais pas tant d'accès que ça voilà, à peu près au même moment à la concurrent map. Voilà, ce n'est pas beaucoup d'appels concurrents. C'est, au pire, il y a peut-être 40-50 appels par seconde. En fait, ce n'est pas un problème de débit vraiment. C'était un problème du fait que la fonction d'évaluation était coûteuse. Donc on n'a pas un problème de débit, on peut utiliser une concurrent map, c'est pas un point de contention important, puisque c'est une application qui est qui a un gros coût CPU, donc il n'y a pas de contention. Et tu as une idée du gain maximal que tu aurais pu obtenir, je veux dire, en accélération de calcul par rapport à la solution initiale ? Alors, je n'ai pas fait de mesure. Bon, il y a un petit surcoût pour le HTTP, mais que de l'ordre de la milliseconde, on va dire, pour une fonction qui prend une seconde à calculer. Je pense que le gain est linéaire sur au moins plusieurs dizaines de machines. Donc, plusieurs dizaines de machines avec plusieurs dizaines de avec services. Plusieurs CPU chacune, donc on pourrait dire x 100 en y mettant les moyens, sans aucun souci. Hein. Ouais. J'ai pas essayé aux limites, donc je peux pas répondre sur les gros volumes, mais là j'ai essayé sur 5 machines avec chacune 8 CPU, et c'était à peu près du x 40. D'accord, donc c'est assez. En tout cas, pour quelques dizaines d'appels parallèles, ça paraît pas poser de problème. Donc là, on a décrit une solution qui peut marcher pour donc des appels purs, typiquement. Et l'appel pur est assez long en plus. Ça ressemble un peu à ce qu'on fait dans des calculs scientifiques. C'est ça. Comme on entend parler dans les universités. Tu as une idée, est-ce que tu penses qu'on peut généraliser dans des circonstances un peu différentes ? Pour moi, l'exemple auquel je pensais, c'est des calculs de statistiques sur des gros volumes de données, donc en plus des volumes de données sont stockés dans des bases peut-être assez spécifiques. Tu penses que ça pourrait marcher, ce genre de choses ? J'imagine que ça dépend peut-être des calculs aussi. Des calculs qui doivent être facilement découpables et d'autres pas. En fait, ce qui est important, c'est que l'ensemble des paramètres de la fonction soient inclus dans l'appel. Donc après, c'est qu'une histoire de répartition. Donc oui, on doit pouvoir généraliser à des problèmes de statistique, par exemple. J'imagine, par exemple, si on stockait beaucoup de fichiers sur une solution comme S3 qui contiennent des données et qu'on fasse une recherche de maximum, par exemple, c'est quelque chose qui serait assez facilement généralisable. Simplement, on pourrait peut-être pas utiliser la solution directement, il faudrait au niveau du proxy qui fait la répartition, mettre les fonctions d'agrégation, si on a des agrégations. Là, en l'occurrence, ma fonction d'agrégation était en local sur la machine maître. Ça va rechercher le maximum pour le set de paramètres. Mais pour toutes les fonctions qui nécessitent beaucoup d'accès disque, par exemple, ça peut être très bénéfique. Ouais. Donc finalement, ça ressemble un petit peu au pattern assez classique de MapReduce. Oui, exactement. C'est un MapReduce du pauvre. C'est une façon de faire du Hadoop avec simplement une librairie comptable dans Maven et 3 lignes de code. Donc c'est sans doute moins flexible, c'est pour des problèmes plus restreints, mais dans le cadre d'un concours par exemple où il fallait répondre dans la semaine, ça permettait d'avoir une réponse très très rapidement et avec un minimum de codage. Mathieu, merci d'être venu. Merci de m'avoir invité. Mathieu a démontré que l'on peut facilement accélérer du code legacy en lançant les calculs sur de nombreux systèmes en parallèle, dans la mesure où ces calculs se font sans modification de données externes. C'est le même principe qu'avec MapReduce, un modèle de programmation introduit par Google pour traiter des données très volumineuses.